Alléluia. Bonheur qui livre nos âmes. Et comme toi, Seigneur. Adonai, reçois notre adoration. Maître de l'univers visible et invisible. Nous avons préparé. Que nous sommes Dieu qui vit éternellement. Reçois ce pari. Et puissions nous te comparer au roi de gloire. Vers toi, Seigneur, pour contempler ta gloire et ta magnificence. Tu remplis les cieux. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton trône est ici. Reçois les faibles mots. Ton trône. Et maintenant dans nos cœurs, Seigneur. Nous répandons dans nos cœurs devant ton trône béni. Nous voulons nous oublier dans tes bras hauts, sur de toi. Alléluia. Merci, Jésus. Et comme toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.